Est-ce que, président Mandakani, étant donné que le Mali est le berceau en quelque sorte des droits de l'homme avec la charte de Mandeng, l'ONU peut se permettre de donner des leçons de droits de l'homme au Mali à la suite de l'expulsion du directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA? Et c'est ce qui a poussé l'ONU à faire un certain nombre de déclarations s'agissant de violations de droits de l'homme au Mali. Est-ce que l'ONU a qualité pour donner des leçons de droits de l'homme au peuple malien? Non, évidemment. Qu'est-ce qui arrête ces gens? Leur principe, c'est de violer. Voler, De violer, je dis bien violer. violer, Violer. violer et voler. Oui. Violer ce qui est juste. Promouvoir ce qui est faux, ce qui est mauvais. En s'organisant pour que ce qui est faux devienne la norme et ce qui est juste soit puni parce qu'il est juste. L'Occident n'a jamais rien compris à la justice, à ce qui est juste, à la justesse, à l'équité. Parce que vous demandez là, deux poids, deux mesures, c'est ce que vous entendez, c'est ça votre titre. Effectivement. Vous parlez de manipulation. Donc, l'idée des droits de l'homme est manipulée. Elle est manipulée par des gens qui, dans leur essence, ne peuvent pas promouvoir les droits de l'homme. Maître Momoh a commencé à très bien introduire le sujet, parce que de qui il s'agit. Il est question d'abord de comprendre la grande idée qu'on a des droits de l'homme. Et deuxièmement, d'analyser le rapport historique que l'Occident a avec l'idée des droits de l'homme et ses pratiques. Et ses pratiques. Et de maintenant contextualiser cela dans le cadre malien. Et tout ça se tient. Il vous a convoqué la charte Mandek. On est dans les années 1200. Il n'est pas dans l'esprit des gens qu'un jour l'Occident va émerger dans le monde. Charles Mandeng a déjà, de manière constitutionnelle, pensé, élaboré et posé les droits de l'homme comme idée centrale de la vie communautaire d'un pays, d'une société, le pays Mandeng. Quelle est la différence entre cette grande idée de droits de l'homme qui est née en Afrique, qui est née en Afrique? Effectivement. La grande idée, c'est que les droits de l'homme sont holistiques. Le caractère holistique des droits de l'homme est ce qui distingue la grande idée que l'Afrique a des droits de l'homme et ce que l'Occident veut faire. La charte Mandeng dit que les droits de l'homme, c'est un ensemble formé par les droits économiques, par les droits sociaux, par les droits culturels, par les droits civilisationnels. C'est un tout. On ne les oppose pas. On ne pose pas tel aspect à un autre. C'est un tout, c'est un vécu socio-civilisationnel. Et c'est comme ça que l'Afrique a pratiqué ça. Et il y a toujours eu l'effort de ne jamais opposer l'idée dans son expression théorique et la pratique. D'où l'idée d'holisticité en Afrique. Toute l'histoire de l'Afrique, c'est ça. On est dans des périodes de reflux, de faiblesse. Ça, tu jetais cette grande idée qui était derrière. Mais quand elle est vécue dans le cadre tribal, plus restreint, quand elle est vécue dans le contexte anthropologico-tribal, il y a toujours cette dimension holistique de la question qui fait que c'est un métier occidental. S'il vient observer la société africaine, il peut croire qu'il n'y a pas le droit de l'homme. Il peut croire. Parce que ce n'est pas une affaire qui est réservée à des universitaires. Et il n'y a pas de centre spécialisé consacré à ça. Parce que tu consacres à quoi? C'est vécu. Oui. Il n'y a pas c'est vécu. Ça se vit au jour le jour. Là, c'est la pratique sur laquelle on vit ça. Exact. Exact. Mais vous voyez, il y a des gens qui sont venus copier. Les gens qui découvrent les droits de l'homme au contact avec l'Afrique. Essayent de s'approprier cette affaire. Depuis, de manière fondamentale, depuis la Révolution française, jusqu'aux Lumières, et toutes ces élaborations, jusqu'à la Charte des Nations Unies, qu'est-ce qu'on regarde à l'Occident? En Occident, les droits de l'homme ne sont pas holistiques. Écoutez bien, c'est une théorie qu'on met en avant, qui se justifie par lui-même, par elle-même, par sa pratique. Ça veut dire que nous pouvons dire que nous sommes la partie des droits de l'homme. La France aime se vanter. Effectivement. Et être des esclavagistes. Allez, pendant que j'agisse, je suis en train de faire les droits de l'homme. Pour cette affaire, pas seulement la France. L'Occident, en général, c'est ça. C'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est comme un idéal théorique On ne cherche même pas ce qu'on a compris, ça, on atteint ça. Il suffit de placarder que nous sommes pour ça. C'est né chez nous. À partir du moment où on l'a dit, ça nous autorise à esclavagiser les gens, à les coloniser. Il n'est pas question que ces gens-là nous opposent le droit de l'homme pour nous refuser le droit d'esclavagiser et de coloniser. C'est ça l'Occident. Ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas les droits de l'homme. Ils n'y comprennent absolument rien. Que ce soit la Révolution française, que ce soit les des Lumières et tout, mais ils n'ont pas réussi ça une fois de plus sans l'apport des Noirs. Oui. Sinon, la réaction européenne venant de Monarchie et consorts, qui avait des alliances entre les différents royaumes, aurait totalement liquidé, entre guillemets, les progressistes européens ce temps-là. Vous comprenez? Mais ça, on l'a effacé sans toi. On a effacé ça. Parce que, vous savez, si on met à la lumière l'apport des Africains dans la trajectoire qui a permis, n'est-ce pas, que les révolutionnaires français réussissent. Vous voyez, ouais. Si on rappelle que pour qu'ils réussissent, il fallait l'apport des Africains. Et sans cet apport, les monarchies les auraient écrasés. Ouais, donc quand on rappelle ça, vous allez voir que, mais ce n'est même pas seulement dire que, même en ce moment-là, qui a aidé à écrire ça, c'est encore les Africains. Ouais. Et c'est ce que les troupes de l'ouverture et des salines vont reprendre ça pour faire le bannière dans la première révolution contemporaine de l'histoire. Oui. La première fois où les esclaves battent la maître. Il est revenu à la troupe de l'ouverture, oui. Les salines, oui. De faire cette révolution. Mais avec quoi? Évidemment, ces idéaux-là, oui. Les gens ne savent pas, ces idéaux-là. Mais ils n'étaient pas, c'est parce qu'ils savaient que leurs frères allaient se battre en Europe pour sauver les révolutionnaires européens. Vous voyez que ce n'est pas seulement au Mali. Toute l'histoire de l'Afrique est à lui. Pour les droits de l'homme. Oui. Toute l'histoire de l'Afrique, c'est un combat pour les droits de l'homme. Jusqu'aujourd'hui. Ça n'a jamais changé, ça n'a jamais cessé. Oui. Faut comprendre ça. Oui. Faut comprendre ça. Donc, l'Europe n'a pas une conception holistique des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas ce que c'est. Oui. Pour elle, c'est un idéal qu'on placarde devant. Une fois qu'on a placardé ça, derrière ça, on peut tuer, assassiner, voler, aider. Et détruire. On n'a pas de problème. Les Européens ont fait l'esclavage. La France est devenue un pays esclavagiste. Quand l'esclavage a été aboli, qui a rétabli? C'était Napoléon. Oui. Mais pas qu'il le faisait. La France continuait à revendiquer d'être la partie des Lumières et des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Vous vous rendez compte? Oui. Qui a pour le commun? C'est la France. Oui. Qui a installé tous les régimes les plus liberticides qu'il y a dans le monde? Parce que y a-t-il plus liberticide que l'esclavage? Non. Que la colonisation? Non. Que le néocolonialisme? Non. Que la destruction des mouvements indépendantistes? Non. Y a-t-il plus liberticide que le fait de confisquer les matières premières, les richesses d'un pays et sa monnaie? Sa monnaie. Il n'y a que le blanc qui croit, l'Occident qui croit. Il peut confisquer vos devises. Ouais. Il peut établir ce qu'on appelle l'iniquité, les termes de l'échange. Ouais. Il c'est une institution, une pratique institutionnalisée. C'est la relation qui entre nos matières premières et les marchés occidentaux où est censé vendre ces matières premières. Ça crève les yeux. Est-ce qu'il est possible que des gens, n'est-ce pas, qui, sur le plan géopolitique, nient votre indépendance en installant partout les bases militaires, et s'il n'y a plus de liberté que ça? Mais pour eux, ça n'a rien à voir, d'après eux, oui. Les bases militaires, la confiscation de nos devises, les systèmes monétaires truqués et criminels, l'iniquité des termes de l'échange, le déséquilibre géopolitique, pour eux, tout ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Donc, ils peuvent faire tout ça. Ils excluent cela du champ de... Ils peuvent renverser le président, comme dit le moustachu le plus criminel. Ils peuvent renverser tout. Ils peuvent renverser le président, créer des guerres civiles, détruire le Sahel, tuer Kadhafi, détruire la Centrafrique, détruire l'Afrique. Pour eux, là, c'est pas le droit de l'homme. C'est ça. Ça contribue à faire droit de l'homme. Vous commencez à me comprendre rien. Oui. Parce que si les gens-là croyaient au droit de l'homme, mon cher Wafo, mon cher Junior Wafo, mais, écoutez... Ils auraient quand même une certaine décence à aller aussi fort. Parce que les faits que je viens d'énoncer sont vivants, sont d'une brûlante actualité. Oh, mais dis donc, plus ils le font, plus ils sont à fond dans le droit de l'homme. Ouais. Il faut donc comprendre que vous avez là deux conceptions, deux approches diamétralement opposées. Alors pourquoi? Vous comprenez donc qu'à partir de là, c'est-à-dire que, à partir de là, vous voyez, oh là là, c'est-à-dire que, la profondeur qui nous sépare de ces gens en la matière. Quelle est l'erreur d'Afrique entre fait? L'erreur, c'est que il n'y a plus une affaire dynamique comme celle qu'il y a eu sur l'Empire Mandingue. Oui. Où les gens se réunissent Et donc, à partir d'aujourd'hui, voici la charte qui va fonder notre comportement de société. Oui. Et fonde ça, et pour ça, on est prêt à faire la guerre. Oui. Pour ça, on est prêt à se battre. Écoutez, qui a dit que le fait que les Nations Unies, l'ONU, ait décidé qu'il y a une charte de l'homme, interdit aux États africains, à partir de là, de continuer à élaborer des pensées, et de dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous, États, moi, État malien, moi, État africain, je dis que voici ma conception des droits de l'homme. Puisque l'ONU est incapable de défendre sa propre charte. Oui, c'est ça. Il y a un problème. L'ONU ne comprend pas sa propre charte. L'ONU ne lit même pas sa propre charte. Mais ils ne lisent même pas leur propre charte. Vous sentez que ce n'est pas écrit. On l'a écrit sans l'ONU. Ils n'ont jamais, ils ne sont jamais appropriés. Il y a un commissariat au droit de l'homme, aux Nations Unies. On ne sait pas quoi. Il sait ce commissariat. Ouais. Parce que si c'est vrai, si c'est vrai à quelque chose, il y a longtemps que l'Occident serait au banc de la communauté internationale. Vous savez quoi? C'est à l'ONU. Trichant la charte mandaine, ouais, qui est consacrée l'indivisibilité des droits de l'homme. C'est écrit là-bas. Oui. C'est écrit à l'ONU. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit politique dissocié des droits économiques, et même dissocié des droits sociaux, et même dissocié des droits culturels. Ça ne veut pas. C'est l'ONU qui dit ça, que c'est indivisible. Mais quand il s'agit de la vie, l'ONU oublie sa propre charte. L'ONU ne lit plus sa propre charte. Le commissaire des Nations Unies qui est dédié à ce travail ne sait pas ce que ça veut dire. Il passe son temps à faire des communiqués contre l'Afrique et à écouter les petites filles. On ne sait pas où elles sortent, venir raconter n'importe quoi devant qu'elles. Oui. Alors, comme les États africains ont oublié de rappeler ça et de faire de ça un principe non négociable, c'est-à-dire de prendre l'ONU à son propre jeu en se basant sur sa charte dans une lecture pour dire que monsieur, vous avez l'obligation de respecter vos protestes. Les Africains n'arrivent pas à s'organiser pour le faire. Mais en face, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont organisés pour faire leur part. Effectivement. Les gens sont organisés pour faire leur part. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement transformé les droits de l'homme en droit politique. En droit politique. Et droit politique. Oui. C'est-à-dire que l'Europe, c'est quoi? C'est que les droits de l'homme de l'ONU sont devenus des droits politiques qu'on apprend à des petites filles qui se lavent à peine le matin. On les enseigne ces choses-là. Et on crée des ONG comme Amnesty International qui a pour fonction de ce qu'ils appellent violation de l'homme. La bagarre doit être à mon niveau. Qu'est-ce qu'on appelle violer le droit de l'homme? Violer le droit de l'homme. Sérieux? C'est ça. Qu'appelle-t-on exaction? Sérieux? Qu'appelle-t-on violation du droit de l'homme? Quel Africain, quels sont les juristes africains qui réfléchissent simplement à ce petit concept-là? Oui. Maître, excuse-moi, je parle de toi. Non. Et même. Je dis que le concept des actions. Des actions. Et des violations du droit de l'homme. Ah. Quel est-ce que les Africains réfléchissent à ça? Il y aurait beaucoup à dire rien que là-dessus, les deux-là. Oui. Énormément. Énormément. Mais vous voyez comment la France, les États-Unis, l'Angleterre. Ce qu'on appelle communauté internationale, s'auto-proclamer, oui, a politisé les droits de l'homme, a géopolitisé les droits de l'homme, surtout les droits de l'homme, et c'est devenu une, comment on dit ça, un instrument dans leurs mains. Vas-y. Non, je suis là, voilà. D'accord avec vous. C'est devenu un instrument dans leurs mains pour faire disparaître la souveraineté nationale des pays africains chèrement acquise. Voilà. Junior. Un cheval de Troie. Maître, oui. Quand nous luttions pour l'indépendance dans les pays africains, oui, nos héros nationaux, oui, le sang qu'on a versé dans les pays africains, non, c'est ça. C'était les droits de l'homme violés. Mais attends. Aujourd'hui, un petit pays comme la France, dirigé par des petites danses, les États-Unis, dirigés par des voyous, l'Union Européenne, dirigée par des personnes dont je passe le nom cet après-midi, oui, elle n'est pas d'une coutelle ici. Oui. L'Angleterre, dirigée par des gens comme les Boris Johnson avant lui. Il y a eu qui? Theresa May. Theresa May, avant qu'il y ait eu un autre. David Cameron. Des gens se sont levés, ils se sont organisés en gang. Ils sont allés détruire la Libye et avec la fille vivant. Oui. Ils l'ont livré à Sarkozy, oui, qui l'a fait tuer sans procès. Et vous parlez des droits de l'homme. Pas de l'Irak. Je parle de l'Afghanistan, ni de la vallée du Pakistan. De la Côte d'Ivoire. Où Obama a tué par John 25 personnes. Obama. Aux États-Unis, il est beau, c'est un guerrier. Pas de ça. Et il reçoit des prix Nobel. Prix Nobel de la paix. Parce qu'il a tué 26 personnes là-bas. Par drone. Parce qu'on juge pas les drones. Les drones ne sont pas jugés à tribunal. Oui, maître, mais tu as dit des choses. C'est tout réfléchi à ça. Tu sais les drones. Ils sont jugés les drones. Non, c'est vrai. Donc quand tu tues pas drone, c'est vrai. C'est fini. Pas volé aucun droit de l'homme. C'est tout. On va donc tuer près de 26 personnes là-bas. Dans la vallée là-bas, Pakistan, Afghanistan, ouais, et toute cette zone-là. Il est tranquille, il dort. Attends. Et il a un beau projet. Il a fini d'être président. Son épouse doit se devenir président. Oui. personne n'est là pour l'interpeller sur les 25 000 morts. Je pense que c'est pas là. On peut continuer ailleurs. Obama est dans un salut. Son oreiller est rempli de sang. Sang. Oui. Mais il est tranquille. On ne le juge pas. Vous comprenez? Vous voyez comment les gens politisent et géopolitisent le droit de l'homme? Et ça les sert pour effacer nos souverainetés. Maître, il y a quand même un problème. Comment on peut demander à un État? On dit que la charte est écrite. Maintenant, oui, il y a des conventions internationales qui existent. Ok. Ouais, oui. Dites-moi, une convention internationale est mise en exécution par qui? Mais pas les États signataires, non? C'est les États signataires. Bon, ok. À partir du moment où une partie signataire, qu'on appelle communauté internationale, s'organise pour détruire notre partie des signataires, qui sont les pays africains. Oui. Comment les droits de l'homme seront protégés dans les pays détruits? C'est ça. Comment tu peux détruire les pays qui sont censés l'application? Tu penses que vous ensemble, vous venez les détruire, vous servez le chaos dans leur pays, et vous leur faites des procès, à savoir qu'ils sont de répéter l'objet de la convention que vous avez signé ensemble. Alors que c'est vous. Une fois la convention signée, qui allait renverser, détruire les États, en finançant les terroristes, et tout quanti pour les détruire. Ouais. C'est mesquin. C'est criminel, c'est vicieux. C'est ce qu'ils font. Et ils le font pourquoi? Parce que comme les terroristes sont leurs agents géopolitiques, il faut qu'on les protège. Comment est-ce qu'on les protège? Parce qu'ils appellent le droit de l'homme. Puisqu'un terroriste se fond dans la population. Oui. Et il est présumé innocent. Sans. On ne peut pas sans procès. Sans procès. Mais eux, ils sont sans procès. Oui. Chez eux. Oui. Tu as seulement tué avec un procès. On tire sur toi. Kadhafi n'a pas eu de procès. Il n'y a pas de procès en France pour les terroristes. Oui. C'est l'État qui désigne qui est terroriste. Sans procès, hein? Il y a attaquant, l'État dit que bon, tous ceux qui sont attaquants à tel niveau sont les terroristes, on tue. Il n'y a aucun procès. Le procès con. Il y a un attentat, on dit tuer. Le gars n'a pas dit, on ne sait pas si on l'arrête, il dit des choses. Oui. Et puis l'État est impliqué. Oui. Que je suis un agent, c'est l'État. Oui. Non, on tue. Mais qui sont maliens? On demande à l'État malien de faire ce que les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'ONU, le pays de l'ONU sont incapables de faire par le pays et sur la scène internationale. Oui. Vous qui avez dit deux poids, deux mesures, non? Oui. Vous qui avez dit deux poids, deux mesures. Effectivement. Je vous démontre comment on attaque nos vérités chez les maquis. On ramasse des petites filles. On dit représentants de la société civile. Bon, à se poser quelle le soit. À quel titre va-t-elle parler devant les États souverains? C'est ça. À quel titre la voix d'une femme, j'allais dire une femmelette, à quoi sa voix est supérieure à la voix de l'État malien? On sait à quoi on joue là? Dont la société civile est supérieure à la souveraineté d'un État. C'est ça. La société civile est mieux équipée pour analyser une situation. Prédire une vérité devient une vérité supérieure et opposable à un État. Mais si c'est vrai pour le mari, quand est-ce que ça sera vrai pour la France? Quand ça sera vrai pour l'Angleterre? Quand ça sera vrai pour les États-Unis, État le plus criminel du monde? Quand ça sera vrai pour Israël? Quand? Quand ça sera vrai, Seigneur? Ça sera vrai quand? La même ONU, la même ONU, ce truc-là. Le Mali fait un dossier d'État bien bétonné et dit, je viens ici devant cette auguste assemblée que je considère auguste. Moi, le Mali, je crois encore à vous. Ouais. Voici les preuves que la France arme les terroristes. C'est que les équipes, j'ai les preuves. Jusqu'à aujourd'hui. Viole mon espace jusqu'à aujourd'hui, le Conseil de sécurité dit, ce ne sont pas recevable. Une partie du conseil, en tout cas. Je dis le conseil, ça n'a pas reçu. C'est pas le conseil. Vous dites une partie. Une partie, ça n'existe pas. C'est le conseil de sécurité qui reçoit un dossier. Oui. Vous voulez que je parle? Je comprends. Mais je parle. Je vous dis pas une partie du conseil de sécurité qui est en droit. Mais tu parles. Tu es là. C'est le conseil en tant que. C'est le conseil qui existe. Oui. Alors, ce conseil-là refuse de recevoir ce dossier d'État. Oui. Membre de l'ONU. Oui. Mais l'ONU. Oh, ça fait plus rien. Les instances onusiennes reçoivent une falette. Qui vient s'asseoir, on dit qu'elle est belle, et qui débute des bêtises sur le Mali, au point où ça devient l'objet, quelque chose qui peut faire l'objet, entre guillemets, d'un tribunal indépendant. On demande une commission indépendante pour juger le Mali, à savoir si le Mali respecte ou non les droits de l'homme. On est où là? C'est-à-dire que si moi je vous ici dans votre dossier, concernant les crimes de la France au Cameroun, en appelant tous les Africains, oui. Des crimes d'hier et d'aujourd'hui, oui. Si on parlait ça à l'ONU, on va nous recevoir. Je dis, maître, oui. Habillons-nous. Oui. Attends, habillons-nous, on porte les vestes. Hein? Oui. On prend trois même filles. Sans veste, on prend les vestes, on n'est pas les énervés. Oui. Parce qu'il y a les tenues qui les énervent. On porte les vestes, on porte les vestes. On prend trois belles filles camerounaises, trois miss. Oui. On prend trois en Côte d'Ivoire, trois Cameroun, trois Mali. Trois. On dit, ok. Allez. Au nom de la Charte des Nations Unies, nous sommes venus ici pour accuser la France, accuser l'Angleterre, accuser le pays des Yankees, oui. le pays du Far West, ça c'est leur vrai nom. Oui. Le Far West est venu les accuser ici de violations extrêmes des droits de l'homme en Afrique. Oui. Quoi faux? Nous avons traversé la porte de l'ONU. Jamais. Jamais. On va traverser la porte de l'ONU. Jamais. On parle de quoi? On risque d'être victime de ce qu'a subi Fatou Bentouda quand elle a voulu enquêter sur les crimes de l'armée américaine en Afghanistan. Tu comprends toi? Merci. Qui avait menacé? Le moustachu? Oui. Le moustachu, mondial. Oui. Sa moustache est devenue planétaire. John Bolton, il dit qu'ils font chanter les dirigeants africains. Il suffit que tu aies ton enfant aux États-Unis. Il dit qu'on te fait chanter. Tu as les avoirs, on te fait. Il ne cache pas. Oui. On bloque. Allons-nous traverser la porte de l'ONU? Allons avoir le visa pour voyager? C'est ça. Non, il faut arrêter ça. C'est tout. Il faut que le président africain se réveille. On est obligé de parler d'aller en profondeur comme ça, parce qu'on veut que même le dernier Camerounais qui est dans un coin, le dernier Africain qui est dans un brousse, ait des arguments pour comprendre ce qu'on dit. On va comme sortir par la porte. Je suis en train de sortir. Donc, ça doit s'arrêter. Le Mali doit être intransigeant. Les pays africains doivent cesser d'accepter du n'importe quoi. Oui. Si on nous oppose des fillettes à la peau brune, oublions pas qu'un moyen, leur peau est brune. Si on nous oppose des fillettes, est-ce que nous aussi on peut faire pareil pour les États-Unis, pour la France? Dans ce cas, oui. Oui. Ça veut dire que si, à partir d'une société civile déclarée telle, je peux moi remettre encore la souveraineté de la France, à l'ONU, les États-Unis, l'Angleterre, à dire contester et revendiquer, n'est-ce pas, les mêmes privilèges de monopole qu'ils ont sur ces questions-là, maître. Oui. Oh, d'accord. D'accord. Comme ça n'arrivera jamais. Il faut que les États africains, du moins pour l'instant, oui. les États africains doivent arrêter de se faire infantiliser. Effectivement. Ça, il faut le faire aussi. Oui. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Une situation est criée. Il faut savoir l'anticiper. Et ça fait longtemps que, depuis 10-12 ans, Dieu leur a montré qu'ils ont des ressources en Afrique qui sont en mesure de les aider à anticiper géopolitiquement sur ce type de comportement d'Occident. Oui. Mais ce n'est pas de notre faute si ils ne nous écoutent pas. S'ils nous écoutent sans comprendre, ou bien, comme nous ne sommes pas, nous ne sommes pas les anciens disciples de Stanford, de la Sorbonne, de la Harvard, de la Massachusetts Institute of Technology, donc tous ces grands universités-là, comme nous ne sommes pas des anciens disciples de cette affaire-là, ils ne nous écoutent pas. Et ils continueront à avoir des situations comme celle-là. Heureusement, bientôt, on aura fini avec ça. Merci à vous, Président Madagny, pour cette intervention. Afrique Média, le monde, c'est nous.